J'arrive en deux spies, je protège ma petite sœur, la daronne et mon Sophie. Tu me connais déjà, j'arrive en deux spies, je protège la petite sœur, la daronne et mon Sophie. Tu me connais déjà, j'arrive en deux spies, je protège ma petite sœur, la daronne, mon Sophie. Je prends des précautions, des fois je me sacrifie, bénéficie sur le sac de ma tchichi. Elle s'apparaît, pas d'enfoiré, c'est parti. Je t'ai aimé, je t'ai baisé, je suis béton, je suis parti. Une fois dehors, ça y est, c'est bon, reparti. Oh, pas mal là, je suis parti, je m'y crave là-bas. J'ai fait des sous, j'ai tout baisé à Keshmara. Me rends pas fou, je suis dans la street à Malaga. Rejoins-moi, j'ai 2-3 gaz à faire pour toi. Tu me connais déjà, j'arrive en deux spies. Je protège ma petite sœur, la daronne et mon Sophie. Tu me connais déjà, j'arrive en deux spies. Je protège la petite sœur, la daronne et mon Sophie. Je dois élever mon Sophie, relever tous les défis. Je suis en esprit, donc c'est léger. L'argent de la musique ou l'argent des G. J'ai toujours été un PDG. Je vois que le temps s'est enneigé. Sur un coup de tête, je prends un VTC. Tu dis de me tèche à CDG. Pour l'addition, c'est léger. Et dire qu'avant tout ça, on se connaissait déjà. L'Ahnoucha, ma timba, j'avais déjà Benda. J'avais déjà Benda. J'arrive en deux spies. Je protège ma petite sœur, la daronne et mon Sophie. Tu me connais déjà. J'arrive en deux spies. Je protège la petite sœur, la daronne et mon Sophie.